les chasseurs de nazis. Chapitre 3, les précurseurs. Premier épisode. Dirigeons nos regards vers la Lituanie. Nous sommes en juin 1941. Un an après son annexion par l'Union soviétique, le petit pays balte est envahi par la Wehrmacht qui lance l'opération Barbossa. À partir de cette date, les Juifs de Vilnius sont enfermés dans deux ghettos qui comprennent respectivement 30 000 et 10 000 personnes. Les nazis, auxquels des miliciens lituaniens prêtent main forte, effectuent des rafles et assassinent les Juifs dans la forêt de Ponari, à une dizaine de kilomètres de Vilnius. Jusqu'à son anéantissement, le ghetto va être le théâtre de l'affrontement entre deux groupes. Le premier espère jouer la montre. Face à lui, de jeunes militants sionistes de gauche et de communistes préparent une insurrection. « Ne nous laissons pas mener comme des moutons à l'abattoir. » Parmi eux se détache un jeune homme. « Jeune juif, ne croyez pas ceux qui veulent nous berner. Sur les 80 000 juifs de la Jérusalem de Lituanie, seuls 20 000 sont encore en vie. » C'est son histoire que raconte l'historienne israélienne Dina Porat dans sa biographie consacrée à celui qu'elle appelle « la figure légendaire d'Abakovner ». C'est ce dernier qui lance cet appel de décembre 1941 au soulèvement. On a séparé sous nos yeux les parents de leurs enfants, les frères de leurs sœurs. Où sont passés les centaines d'hommes raflés pour être envoyés au travail par les captureurs lituaniens? Où sont passés les femmes et les enfants nus, tirés de leur lit pendant la nuit terrible de la Grande Provocation? Où sont passés les Juifs arrêtés à Yom Kippour? Et où sont nos frères du second ghetto? Aucun de ceux qui ont franchi la porte du ghetto ne reviendra, car tous les chemins de la Gestapo mènent à Ponari. Et Ponari, c'est la mort. Faites revenir à la raison ceux qui cèdent au désarroi de leurs illusions. Vos enfants, vos maris et vos femmes ne sont plus. Hitler a conçu un plan afin d'exterminer la totalité des Juifs d'Europe. Et nous, Juifs de Lituanie, sommes en première ligne. Il sera le premier juif d'Europe à lire à haute voix et à diffuser un manifeste en décembre 1941, qu'il va lire d'abord dans le ghetto de Vilno et diffuser ensuite à l'extérieur, un manifeste où il est le premier à prendre toute l'étendue du plan nazi, à savoir qu'il s'agissait d'un plan total d'extermination de l'ensemble des Juifs d'Europe. À l'époque, très peu avaient conscience de cela, et à en tirer les conséquences qui, à ses yeux, s'imposaient, c'est-à-dire prendre les armes, et c'est un appel à la jeunesse juive. La seule réponse à opposer à la haine de l'ennemi est la résistance. Frère, mieux vaut tomber en combattant libre plutôt que de vivre à la merci des assassins. Défendons-nous jusqu'à notre dernier souffle. C'est ce même Abakovner qui, dès la défaite du Troisième Reich, crie vengeance, comme nous le raconte Alexandra Lavastine, qui a traduit sa biographie. Abakovner était un jeune poète qui vivait à Vilno dans les années 30. C'était aussi un leader de la Jeune Garde, qui était une organisation de jeunesse sioniste de gauche. Et il a donc 23 ans. Lorsque les nazis envahissent la Lituanie, quand il est enfermé avec l'ensemble des Juifs de Vilno, Abakovner organise la résistance à l'intérieur du ghetto, prépare l'insurrection. Puis quand l'insurrection échoue, lui et sa petite armée de très jeunes gens, des adolescents, presque des gamins, prennent la fuite vers la forêt où ils vont poursuivre le combat jusqu'en juillet 44, date à laquelle ils libèrent Vilno. Ces jeunes gens se battent avec une bravoure extraordinaire, au point d'en imposer au commandant soviétique ce qui n'est pas peu dire. Ils découvrent les camps de la mort, et déjà la première cérémonie commémorative à Ponar, le lieu d'exécution des Juifs de Vilno à l'été 44, l'oubli recouvre déjà les vaincus, c'est-à-dire que les soviétiques passent sous silence les victimes juives. Et donc, ils sont submergés par la douleur, la haine les consume, ils sont révoltés, et là, ils élaborent deux plans. C'est en effet Nakam, la vengeance. Alexandra Lavastine, c'est on va tuer, ça c'est le plan de Abakovner, 6 millions d'Allemands, parce que le génocide a fait 6 millions de victimes juives. Ce plan était apocalyptique et il s'agissait en effet d'empoisonner les réservoirs d'eau potable de plusieurs villes allemandes, dont Munich, Nuremberg, Berlin. Et donc Abakovner infiltre des commandos qui repèrent bien sûr les canalisations, puisqu'il ne s'agissait pas de mettre du poison dans les canalisations desservant les quartiers de réfugiés. Plan A. Plan B, il s'agissait d'empoisonner la nourriture de centres de détention pour anciens nazis dont la culpabilité était bien établie. nous avions décidé d'empoisonner les 36 000 SS. Et c'est moi qui étais chargé de l'exécution du projet. Cette tentative d'empoisonnement est racontée dès 1971 par l'historien israélien Michel Barzora dans son récit intitulé « Les Vengeurs ». L'approvisionnement du camp en pain était fait par une grande boulangerie industrielle de Nuremberg dont les bâtiments se trouvaient dans les faubourgs de la ville. Il nous fallait d'abord savoir lesquels de ces pains étaient destinés aux prisonniers et lesquels étaient consommés par les soldats alliés, américains, britanniques et polonais qui assuraient la garde des prisonniers. Je fis embaucher un de nos hommes à la boulangerie. Nous avons prélevé des échantillons de pain et les avons envoyés à nos experts. À l'été 45, Abba Kovner laisse donc ses commandos en Europe et lui s'en va en Palestine où il rencontre de nombreux dirigeants. Il parle un tout petit peu de son plan A, mais devant les réactions horrifiées qu'il suscite, car il est bien évident que pour les dirigeants du foyer juif à l'époque, l'option n'était moralement pas acceptable. Alors il évoque son plan B. Il n'a pas beaucoup de succès non plus avec le plan B, d'autant qu'on lui répond « on va s'en occuper nous-mêmes », c'est-à-dire que les membres de l'armée secrète juive, la Haganah, vont faire ce qu'il faut pour les criminels nazis bien identifiés individuellement, ne vous en mêlez pas. Néanmoins, il trouve deux chimistes à l'université hébraïque de Jérusalem, dont l'un s'appelle Ephraim Katzir, ce sera bientôt le président d'ailleurs de l'État d'Israël, lui et son frère sont chimistes et lui procurent du poison extrêmement puissant. Il ne faut pas que le poison agisse trop vite. Car alors, ceux des SS qui auraient vu leurs camarades tomber foudroyés, après avoir mangé du pain, prendraient des mesures en conséquence. Autre problème, comment mêler le poison au pain? Après plusieurs expériences, on s'aperçoit que la meilleure formule consiste à étaler sur la couche de farine, dont les pains sont saupoudrés, une deuxième couche, aussi blanche que la première, mais contenant, celle-là, de l'arsenic mêlé à divers ingrédients. Alors là-dessus, Abba Kovner rentre en Europe en décembre 1945 avec son poison caché dans des boîtes de dentifrice dans son sac. Il était à bord avec un certain nombre d'autres officiers de la Haganah, tous déguisés en officiers britanniques. Et alors ils ont fini par paraître un peu louches sur le bateau, d'autant que quand on les appelait, ils ne reconnaissaient pas leur faux nom. Et puis en plus, ils ne parlaient pas un mot d'anglais. C'était notamment le cas d'Abba Kovner. À Toulon, il sera arrêté par la police. Mais avant d'arriver, il comprend qu'il risque une arrestation et donc, que fait-il? Il le jette par-dessus bord. Il se procure du poison, cette fois auprès de pharmaciens français de Lyon. L'un des camarades de Kovner réussit à empoisonner à l'arsenic le pain d'un centre de détention à Nuremberg pour ancien officier SS. Il mange le pain, mais ils ont été légèrement blessés, mais il n'y a pas eu de mort. Je trouve cette histoire aussi très intéressante parce qu'elle souligne en creux l'extraordinaire rareté après la Shoah des cas de vengeance individuelle et au fond, la très grande majorité des Juifs ont conçu leur projet de revanche autrement, c'est-à-dire en refondant des familles, en créant des kibbutz, en rouvrant des yeshivas, en défendant leurs terres. Et la plupart des historiens, dont Dina Porat, l'auteur de la biographie d'Abba Kovner, qui est l'historienne en chef de Yad Vashem, estime à environ 200-250 le nombre de vengeurs ayant opéré après la guerre, d'un côté comme de l'autre, du rideau de fer. Alexandra Lavestine, que devient Abba Kovner dans l'État d'Israël, créé en 1948? Il va être l'un des fondateurs de la brigade Givati, une brigade d'élite. Donc il fera la guerre d'indépendance en 1948 dans cette brigade. Et il deviendra ensuite un poète très connu, couvert de prix littéraires, qui d'ailleurs lui-même, c'est très intéressant, va passer toute sa vie à faire œuvre de mémoire. Il a notamment créé le musée de la diaspora à Tel Aviv et il a une immense œuvre muséographique. Donc lui aussi va prendre finalement sa revanche ainsi, c'est-à-dire en préservant la mémoire du peuple juif et l'histoire du peuple juif en diaspora. Et puis, il sera, et c'est là qu'il va être connu du grand public, un des grands témoins au procès Eichmann en 1961, lors duquel il lit notamment son fameux appel aux armes de décembre 1941. Et là, on sent qu'Eichmann est ébranlé, car Abba Kovner était tout de même un personnage très magnétique, très charismatique. Ma dernière question, monsieur Kovner. Jusqu'au moment où vous avez constitué la force de combat juive, combien de juifs de Vilnius ont été emmenés à Ponari pour y être exterminés? Près de 40 000. Ça ne s'est pas passé de manière intensive, mais pendant plusieurs mois. À demain pour la suite des Chasseurs de nazis, une histoire racontée par Jean-Philippe Navarre et Michel Pomarède.